بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، سندخل ديزيام سيج إن شاء الله إلى ديغنيير دون سي كيستيون ريبونس دو سور لو منهاج دو شيخ عبيد حفظه الله تعالى. سي كيستيون que lui avait posé il y a plus de 10 ans maintenant à certains jeunes du Maghreb. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter des réponses du Cheikh, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala allonge la vie du Cheikh dans son obéissance, et qu'il récompense ceux qui étaient à l'origine de ces questions. Et nous sommes avec la 22e question. La السؤال الثاني والعشرون جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. هذا سائل يسأل ويقول: اذا صدرت بعض الاخطاء المنهجية من داعية هب بعض الشباب الى الاتصال بالعلماء حول هذا الداعية وعرض اخطائه، فيجيب العلماء بما فتح الله عليهم فربما يحذرون منه، لكن سرعان ما يقوم اكثر طلبة العلم على هؤلاء الشباب وينكرون عليهم، وربما قالوا لهم: لستم اهلا لان تتصلوا بالعلماء، انما طلبة العلم هم الذين يتصلون. La 22e question est posée ainsi: quand il arrive qu'un prêcheur tombe dans des erreurs et fait des erreurs dans le manhaj, certains jeunes entrent en contact avec des hommes de science et exposent ces erreurs de ce prêcheur aux hommes de science. Et les hommes de science répondent et avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme clairvoyance. Et peut-être que ces hommes de science vont avertir contre ce prêcheur. Et tout d'un coup, on voit qu'une majorité ou une grande partie de demandeurs de science se retournent contre ces jeunes et blâment ce qu'ils ont fait. Et peut-être quand même, des fois, il leur dit: vous n'êtes pas aptes à rentrer en contact avec les hommes de science. Ce ne sont que les demandeurs de science qui doivent rentrer en contact avec les hommes de science. يقول حفظه الله: ذكرت لكم في جلسة البارحة أو في جلسة سابقة أن الداعية الذي هو على السنة فإنه ينبغي أن يناصح ويعرض عليه خطأه. Il dit hier, lors de l'assise d'hier ou à une autre assise auparavant, je vous ai dit que le prêcheur qui est sur la sunna, il est obligatoire de lui prodiguer le conseil et de lui exposer ses erreurs. يقول فقد يكون عنده دليل خفي عليك أنت وقد يكون حصل عنده ذهول وقد يكون اجتهد فأخطأ. Et il dit: peut-être que ce prêcheur il a une preuve que toi tu ne connais pas, que tu n'as pas pu voir. Peut-être aussi que ce prêcheur il a eu un moment où son esprit n'était pas présent. Ou peut-être aussi il a fait un effort d'interprétation, il s'est trompé. يقول فإذا نوضح هذا فإذا نوصح هذا نفع وانتفع بحول الله تعالى إن كان صاحب سنة. Il dit: dans ces cas-là, ce prêcheur qui est sur la sunna, quand on lui prodigue le conseil, il va en profiter. Il va être profitable aussi pour les autres s'il est un homme de la sunna. يقول وأعيد هنا ما قلته فيما سبق. Il dit: maintenant je vais répéter ce que j'ai dit auparavant. يقول الأمور التي حدثت فيها أخطاء منها ما لا يسوغ فيه الاجتهاد في أصول الدين، هذه لا يسوغ فيها الاجتهاد. ثم هذا الذي أخطأ هل هو من أهل السنة المعروفين عندنا بالسنة أو من عامة الناس؟ Il dit حفظه الله تعالى: et les choses dans lesquelles il arrive des erreurs. Il y a des choses, des sujets qui sont sujets à l'effort, où il n'y a pas de place à l'effort d'interprétation, comme les fondements de la religion. Il n'est pas permis de faire un effort d'interprétation dedans. Et celui qui est tombé dans l'erreur, est-ce qu'il fait partie des gens de la sunna et qui sont connus par la sunna, ou alors il fait partie du commun des gens? يقول لا بد أن يراعى هذا وهذا فإن كان من أهل السنة فإنه إذا انتصح ينتصح ترده السنة بحول الله تعالى وإن كان من أهل الأهواء فلا كرامة له. Il dit il est obligatoire de prendre ceci en considération, parce que s'il fait partie des gens de la sunna, il reçoit le conseil, il va le mettre en application, et la sunna va le remettre sur le rail avec l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et avec la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, mais s'il fait partie des gens de l'innovation et qui suivent leur passion, il n'a aucun honneur. Il n'a aucun honneur. يقول وقد تكون الأخطاء حدت في أمر يسوغ فيه الاجتهاد فهذا أنت إذا سئلت قل أنا أرى كذا ودلل على ما ترى وإذا سئل الطرف الآخر يقول أنا أرى كذا ويدلل ولا يثرب أحد على أحد في هذا. Il dit peut-être aussi que les erreurs peuvent arriver dans un sujet où il y a la place à l'effort d'interprétation. Et dans ces cas-là, quand on te pose la question, tu dis moi, je vois que c'est ça. Et tu ramènes tes preuves sur la position que tu as prise. Et quand on pose la question de l'autre côté, il dit moi, je vois que c'est comme ça. Et il ramène ses preuves. Et l'un et l'autre ne doivent pas faire des reproches et blâmer, l'un ne doit pas blâmer l'autre. Yaqul. وعلى سبيل المثال نحن نرى حتى الساعة أن تارك الصلاة متهاونا كافر وندلل ولله الحمد بما عرفه علماؤنا من قبل من السنة وآخرون يقولون لا هو فاسق فأنا أجتهد في التدليل على ما أراه لأنه دين أدين الله به وأرى الحق خلافه وذاك الطرف يدلل على ما يراه لأنه دين يدين الله به لكني لا أترب عليه ما دام عنده من الأدلة ما يسند مذهبه وأصوله التي مشى عليها وهي أدلة صحيحة فأنا لا أترب عليه. Il dit par exemple, prenons comme exemple, il dit jusqu'à l'heure actuelle, je vois que celui qui délaisse la prière par négligence, il est mécréant. Et je ramène des preuves, il a louange à Allah, et je ramène ces preuves que connaissent nos hommes de science parmi les gens de la sunna, et les preuves que nous ont fait appris les gens de la sunna, les hommes de science de la sunna. Et il dit, d'autres disent, non, celui qui délaisse la prière par négligence, il est tout simplement pervers. Il dit dans ces cas-là, moi je fais mon effort d'interprétation dans la recherche des épreuves et je ramène les épreuves pour ce que je vois, parce que c'est une religion pour moi, qui est pour moi, et je vois que c'est une religion pour moi. Et je vois que c'est la vérité et que le contraire de ma position n'est pas la vérité. Et il dit, l'autre côté ramène ses preuves, et parce que c'est une religion, c'est un point de religion qu'il prend pour se rapprocher de Allah, mais il dit dans ces cas-là, je ne le blâme pas, parce que tant qu'il ramène des preuves, et tant que sa voix il est basée sur des preuves, et tant que ses fondements sur lesquels il est sont authentiques, dans ces cas-là, je ne le blâme pas. Dans ces cas-là, je ne le blâme pas. يقول بقي السامع السامع إن كان من أهل الاجتهاد ينظر ولا يجوز له أن يخوض بقوله أو بقول الطرف الآخر هكذا مجردا ينظر إن كان من أهل الاجتهاد ينظر ويستفرغ وسعه وسوف يترجح عنده شيء إما هذا أو هذا. Il dit reste maintenant la position de celui qui écoute. Celui qui écoute, est-ce qu'il fait partie des gens de l'effort de l'interprétation ou pas? S'il fait partie des gens qui sont dignes de l'effort de l'interprétation, il doit regarder. Il ne m'est pas permis de prendre ma parole comme ça ou de prendre la parole de l'autre côté comme ça. Mais il doit regarder s'il fait partie des gens de l'effort de l'interprétation. Et il doit mettre tous ses efforts. Et dans ces cas-là, il n'y a aucun doute que le point important, il va lui apparaître. soit il va pencher de ce côté-là, soit il va pencher de l'autre côté. يقول وتمت أمر آخر أدركناه في الحقيقة من كثير من الناس وهو النقل فإنه ليس كل ناقل يحسن النقل ولهذا أقول يجب الاحتياط والله صرنا نخاف ونحتاط فنجيب إجابات عامة نؤصل ما نعلمه من الأصول ونقعد ما نعلمه من القواعد متوخين ما تبرأ به الذمة ويصلح به الحال إن شاء الله. Il dit un autre point qu'il faut prendre en considération. Nous avons su une réalité maintenant que beaucoup de gens ne sont pas bons dans le fait de transmettre ce qu'ils entendent. Il dit, c'est pour ça que maintenant, il est obligatoire de prendre ses précautions. Il dit, maintenant, par Allah, nous avons peur et nous prenons des précautions. Et quand on répond avec des réponses générales et nous donnons des fondements que nous connaissons et nous donnons des bases que nous connaissons parmi les fondements et nous donnons des règles que nous connaissons tout en essayant de remplir notre responsabilité. Et en nous donnant ces règles et ces fondements pour que la situation devienne mieux et se referme pour le mieux, Inch'Allah. يقول ويجب أن تعلموا وقد أسلفته أن مراعاة الحال ومراعاة الزمان ومراعاة الأشخاص أمور لا بد منها. Il dit, il est obligatoire de savoir. Et il dit, je l'ai dit auparavant, qu'il faut prendre en considération les situations. Il faut comprendre le temps dans lequel on est. Il faut aussi prendre la situation des personnes. Il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération, qu'il est obligatoire de prendre en considération. يقول فقد يكون هذا المخطئ علم في السنة والدب عنها فما الذي يمنعك أن تجلس إليه وتتأدب معه. Il dit, peut-être que cette personne qui est tombée dans l'erreur peut être un des emblèmes de la sunna et un défenseur de la sunna. Qu'est-ce qui t'empêche dans ces cas-là d'aller t'asseoir à côté de lui, d'avoir un bon comportement avec lui? وتسأله سؤال بمثل يا شيخ فلان أنا نما إلى سمع أنك قررت كذا وكذا فلا أدري لعلي أكون مخطئا لعلي ذهلت. Et tu t'assois devant lui avec un bon comportement et tu lui poses la question. Tel que l'exemple qu'il t'a donné, cher, il dit, il est arrivé à mon oui, et j'ai entendu que tu as confirmé ceci et cela. Peut-être que je suis dans l'erreur. Peut-être qu'à un moment donné, j'étais insouciant. يقول الشيخ فقد يقول لك لا أنا ذكرت كذا وكذا ولكنك أنت ذهلت فتجد من لو سألت من حولك يقول لك نعم أنت حصل منك ذهول. Il dit, il va te dire, c'est ce qu'il va te dire, non moi j'ai dit ceci et cela, mais toi t'as été insouciant, hein? T'as vu l'esprit ailleurs à ce moment-là, et tu vas retrouver autour de toi des gens auxquels si tu leur poses la question, ils vont dire, il a dit ceci et cela. Et ils vont dire que toi à un moment donné t'étais distrait. يقول وقد يقول هذا الشيخ عجيب أنا قررت كذا فتقول نعم يا شيخ قررت كذا واستدللت بكذا والذي سمعناه من أهل العلم والفضل أمثالكم بارك الله فيكم وكذا وكذا. هذا التمجيد لمن؟ للسني العالم السني. Il dit حفظه الله تعالى peut-être que le cheikh va dire عجيب moi j'ai confirmé ceci. Et tu dis à Cheikh, oui, à Cheikh, tu as confirmé ceci, tu as ramené telle preuve, alors que nous avons entendu des hommes de science et des vertus comme vous, que Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, ceci et cela. Avec ce respect, et ce respect, il est dû à qui? De parler ainsi, il est dû à qui? Il est dû à l'homme de science de la sunna, au sunni. يقول أما صاحب الهوى أنت أصلا في غنى عن مجالسته والأخذ عنه فاحتاط بارك الله فيكم في النقل. Il dit quant à celui qui suit ses passions, à l'origine tu n'as pas besoin de s'asseoir à lui ni d'être dans sa compagnie ni de prendre de lui ni d'apprendre chez lui. Il dit حفظه الله تعالى faites attention que Allah vous bénisse dans la transmission, dans ce que vous transmettez et dans ce qui a été transmis par les gens. يقول فإذا هذا العالم أو الداعية السني فإذا هذا العالم أو الداعية السني ما استجاب لك فقل له يا شيخ ما رأيك في نقل هذه القضية إلى فلان أو من ترضاه لأن المقصود الحق؟ فإن كان الحق معي يا شيخ ترجع أنت إن شاء الله، وإن كان الحق معك أنا أرجع، فسوف ينتهي الأمر إلى ما يرضي الجميع من قول الحق. Il dit حفظه الله تعالى cet homme de science ou ce prêcheur qui est sur la sunna ne t'a pas répondu, bah dis-lui ya cheikh, qu'est-ce que tu dis, c'est ce sujet-là on l'amène un homme de science parmi ceux que tu agrées, car le but c'est la vérité, et si la vérité est avec toi ya cheikh, si la vérité n'est pas avec toi ya cheikh, bah tu reviens, et si la vérité est avec toi, moi je reviens. Et la situation va se terminer vers une situation qui va agréer tout le monde, qui est le fait de dire la vérité. وهذا السؤال الثالث والعشرون جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول شيخنا تعرفون وترون ما آلت إليه البلاد الإسلامية من فتن ومشاكل خاصة في الأماكن الداخلية، يعني المدن والولايات، فهل هذا هو الوقت الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم الأفضل للرجل قطيع غنم يتبع بها أقاصي الجبال ويرعى غنمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام؟ فهل يفهم من هذا جواز ومشروعية السكن في البوادي ورعي الغنم وخدمة الأرض والاستراحة من شرور الأماكن المعمورة بالناس، مع العلم أن الجهل يكثر في هذه البوادي؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. La 23e question, dit que Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Trop cher, vous savez, hein, la situation, les fitanes et les problèmes qu'il y a dans les pays de l'islam, dans beaucoup de villes, dans beaucoup de provinces, hein, est-ce que le temps dans lequel on est, c'est le temps qui correspond à la parole du prophète alayhi salam? Il dit il arrivera un temps que le mieux pour l'homme, c'est d'avoir un troupeau de moutons et des raies entre les montagnes, de vallée en poussant son troupeau de moutons, ou comme il a dit le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et la question de continuer de dire, est-ce qu'on comprend de ceci qu'il est permis ou il est légiféré d'habiter la campagne et de suivre son troupeau et d'être le berger de son troupeau, de travailler la terre et de se reposer des mâles, des endroits, des villes, etc. Et des endroits qui sont pleins d'hommes et pleins de population, tout en sachant que l'ignorance, il est beaucoup dans les campagnes. Hein? Donnez-nous une réponse que Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. يقول الشيخ حفظه الله الذي ظهر لي وأظن أن علماءنا لا يخالفوننا فيه أن الخير في هذه الأمة كثير ولله الحمد. Il dit ce qui m'apparaît et je crois que nos hommes de science vont pas être en divergence avec moi, c'est que le bien de cette communauté, il y a beaucoup de bien dans cette communauté, et la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. Et la louange est à Allah subhanahu wa ta'ala. فما من قطر من الأقطار الإسلامية إلا وفيه علماء وفضلاء يحسن، بل يجب أن يتخذوا قدوة لما أصابوا من السنة، وأرى أنه تجب ملازمتهم والارتباط بهم، فبهم تقوى السواعد ويشتد الأزر وتعلو الهمة، وما أراه قد حان الوقت الذي تضمنه الحديث، حتى إن كان وجد في ولاية وهذا على سبيل الفرض والتقدير ما سألت عنه، فإنه ثمة ولايات يكون فيها الحمد لله الخير وأهله متوافرين، الخير موجود وأهل الخير موجودين، ولن تخلو أرض الله من طائفة تقوم بهم الحجة على الخلق. Il dit حفظه الله تعالى ce qui m'apparaît et je crois que nos hommes de science vont pas être en divergence avec moi, c'est que le bien, il est dans cette communauté, il y a beaucoup de bien dans cette communauté, la louange est à Allah. Et dans chaque pays, parmi les pays de l'islam, il y a des hommes de science, il y a des vertueux, qu'il est obligatoire de les prendre comme modèle et comme exemple, parce qu'ils sont dans la sunna, et je vois qu'il est obligatoire de rester auprès d'eux, de s'allier à eux, parce que c'est avec eux qu'on va chercher la force, c'est avec eux qu'on se renforce, c'est avec eux que nos aspirations vont être très hautes. Et il dit, et je ne crois pas que ce qui est cité dans le hadith, le moment est arrivé pour ce qui est cité dans le hadith. Et il dit, même si ça se trouve dans une province ou dans un endroit, en supposant que ça se trouve, hein, et il y a d'autres provinces et d'autres lieux Il a louangé à Allah où le bien, où les gens du bien sont nombreux, où le bien est là et le bien est présent et les gens du bien sont présents. Et la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il va y avoir toujours sur la terre des gens qui accomplissent les preuves sur les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y aura toujours le bien sur terre, hein, et la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala va pas, il y aura toujours le petit groupe, hein, sur terre pour accomplir la preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala sur les serviteurs. يقول ولكن يجب علينا نحن أن نفتش عن أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح وأهل التقوى والذين هم على السنة فننضم إليهم ونستأنس بهم ونأخذ عنهم. Il dit, il est obligatoire, il est obligatoire pour nous de chercher les gens des vertus, les gens de la science, les gens du bien, les gens de la piété, ceux qui sont sur la sunna, et on s'allie à eux. Et on va, on les rejoint et on les prend comme compagnons et on prend d'eux la science. يقول السؤال الرابع والعشرون جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وهذا سؤال آخر يقول يا شيخ حفظك الله يكثر عندنا في منطقتنا الإخوان المسلمون بحيث تجدهم يتجمعون في أماكن ويتكلمون في مسائل السياسة ويبغضون دولة التوحيد السعودية ويستهزئون بدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ويأتون بشبهة يقولون بأن الفساد والفسق يكثر في السعودية خاصة في الرياض باستثناء حرمين فهل هذا الكلام صحيح وما موقفنا من هؤلاء الشباب. La 24e question, que Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense, oh cher, que Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve. Dans notre région, il y a beaucoup de ikhwan, beaucoup de frères musulmans, et tu les trouves, ils se réunissent dans un endroit, ils parlent dans la politique, et ils détestent le pays du monothéisme qui est l'Arabie Saoudite. Et ils se moquent de la da'wa et du prêche de l'imam, le revivificateur Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahmatullah alayh. Et ils ramènent, hein, l'ambiguïté comme quoi ils disent que le mal et la perversité sont monicorantes et nombreuses en Arabie Saoudite, surtout dans la ville de Riyad. Et ils font juste l'exception des Haramain, la Mecque et Médine. Est-ce que ces paroles sont justes? Et c'est quoi notre position vis-à-vis de ces jeunes? يقول الشيخ أنت قلت يا بني الإخوان المسلمون وهذه الجملة منك تنبه إلى أن ما ذكرته ضمن السؤال هو صادر عن هوى وعن بدع وعن شبه لا عن أهل سنة وسمعتم مني ومن غيري من المحققين القول الفصل في هذه الجماعة وأنها جماعة ضالة مضلة فهي ساقطة منحرفة ضالة مضلة ولا يقبل إلا شهادة العدل فالإخوان المسلمون ليسوا عدولا. Il dit, habidah Allah ta'ala, en réponse, tu as dit, ou fiston, les frères musulmans, et cette phrase de ta part attire l'attention que ce que tu as cité dans la question ne vient pas, vient de quelqu'un qui suit ses passions, vient de quelqu'un de l'innovation, vient de quelqu'un qui est dans les ambiguïtés, il ne vient pas des gens de la sunna. Et vous avez entendu de ma part, ainsi que d'autres hommes de science authentificateurs, la parole juste et la parole irréfutable concernant ce groupe des frères musulmans. Et que c'est un groupe égaré, égareur. Et que ce groupe, il est dévié. Et que c'est un groupe d'égaré, égaré, égareur. Et qu'on accepte l'attestation que d'un digne. Et que les frères musulmans ne sont pas des dignes pour accepter leur témoignage. يقول أقول وثمة أمر آخر لو سلمنا على سبيل الفرض والتقدير لما قالوه وأن السعودية كلها حكامها وحكومها فاسدون مفسدون فهل هذا يسوغ الخروج؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينازع الأمر أهله أن ينازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. Il dit, il y a aussi un autre point, supposons même, hein, que ce que vous dites c'est vrai, et que l'Arabie Saoudite, ses gouverneurs, ses populations sont mauvais. Hein? Sont mauvais, ils font que du mal, etc. Est-ce qu'il est permis de se révolter contre eux, alors que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam interdit le fait de concurrencer les gens sur leur poste ou dans leur situation, sauf si on voit une mécréance qui est claire, de laquelle nous avons une preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الشيخ والمنصف المحق يرى أن ذلك القول من تلك الجماعة وفي غاية البطلان، فالبلد ولله الحمد بلد السنة بشهادة المنصفين وبلد التوحيد والسنة، وأما الأخطاء والفساد فلا شك أنه ما من بلد إلا وفيه من ذلك ما فيه، حتى المدينة فيها فساد، فيها أناس مفسدون، فيها تركة صلاة، فيها شربة مسكر. Il dit, Habibullah Ta'ala, quant à celui qui est équitable parmi les gens authentificateurs et qui sont justes, il voit que les paroles venant de ce groupe, c'est une fausse parole. C'est le summum de l'erreur, leurs paroles. Car le pays, en parlant de l'Arabie Saoudite, la louange à Allah, c'est un pays de la sunna. Et l'attestation, elle est des dînes. Hein? Les dînes attestent que l'Arabie Saoudite c'est le pays du monothéisme et le pays de la sunna. Quant aux erreurs, quant au mal, quant au blâmable, il n'y a aucun doute, aucun pays n'est épargné du mal et des erreurs. Même Médine, il y a du mal dedans. Il y a des gens qui font le mal dans la ville de Médine. Il y a des gens qui délaissent la prière. Il y a des gens qui voient des choses avec lesquelles ils seront dessous. يقول حفظه الله ومتعه به، لكن لا يجوز الحكم على أهل المدينة عموما بأنهم كذلك، ولا على أهل الرياض أو بريضة أو الرس أو عنيزة أو المنطقة الشرقية أو منطقة حائل بأنهم على هذا النهج، هذا خطأ، هذه مجازفات. والمغرض لا يبالي بما يقول لأنه له هدف لا يحققه في زعمه إلا بمثل هذا، فهو يجمع الناس حوله ويكتلهم معه بمثل هذه الشبه، لأنه يعلم أنه ما دام الناس مجتمعين على السنة وعلى المنهج الحق لن تقوم له قائمة، فماذا يصنع؟ يلقي مثل هذه الشبه التي وردت في السفآت تفريقا للكلمة لكلمة المسلمين. Il dit حفظه الله تعالى إني pas permis de rendre une sentence générale, de dire que les gens du Médine sont tous mauvais, ni que les gens de Riyad sont mauvais, tous mauvais, ni que les gens de Bouraïda ou de Ras ou de Uneiza ou de la partie de l'Est saoudien ou la partie de Ha'il ou la région de Ha'il qu'ils sont sur cette voie-là. Il dit ceci, le fait de dire que tous les gens sont mauvais et qu'on généralise le mal, ceci est une erreur. Ceci, c'est dépasser ses limites. Mais le Mughrid, celui qui a un but, il ne fait pas attention à ce qu'il dit car il a un but. Et pour arriver à son but, il prétend qu'il ne peut y arriver qu'avec ce genre de truc. Il réunit les gens autour de lui avec ce genre d'ambiguïté, avec ce genre de mauvaises paroles, car il sait que tant que les gens sont réunis, car il sait que si les gens se réunissent autour de la sunna, autour de la vérité, il ne pourra pas avoir sa force, il ne pourra pas faire ce qu'il veut. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ces ambiguïtés qui sont dans la qui sont contenues dans la question, pour diviser la communauté, pour diviser la parole du musulman et pour diviser le rang des musulmans. يقول ومن آلات التفريق عندهم وإغار الصدور على فئتين بها تؤمن السبل وتجتمع الكلمة ويقام العدل وينصر المظلوم ويرضع الظالم وتنصر السنة فوق ذلك وهاتان الفئتان هم العلماء والحكام. Il dit il fait partie des moyens qu'ils utilisent pour diviser, c'est d'attiser la haine contre deux catégories de personnes, parce que ces deux catégories de personnes, par leur intermédiaire arrive la sécurité, et par leur intermédiaire arrive l'union de la communauté, et par leur intermédiaire s'accomplit la justice, et on fait triompher celui sur lequel on a commis une injustice, et on fait triompher la sunna au-dessus de tout ça. Et ces deux catégories, ce sont les hommes de science et les gouverneurs. Et l'un des moyens d'Ikhwan Muflisoun, vous le faire comprendre, Cheikh Obaid, c'est que les Ikhwan Muflisoun, comme les appelle Cheikh Mukhbir Rahimahullah Ta'ala, ils attestent la haine, ils remplissent de haine les cœurs des gens contre les hommes de science, dignes du nom, contre leurs gouverneurs. يقول السؤال الخامس والعشرون جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هناك عدة أسئلة تسأل عن جواز التدريس والعمل أو الدراسة في المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات المختلطة. كلمة مختلطة معروف ما معناها؟ هي المدارس التي تضم اللي حفظه الله تعالى إيه لك question dit ceci, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Il y a un certain nombre de questions qui se posent autour, est-ce qu'il est permis d'enseigner, de travailler dans les écoles primaires ou secondaires ou dans les universités où il y a la mixité. يقول الشيخ كلمة مختلطة معروف معناها هي المدارس التي تضم البنين والبنات فالاختلاط محرم. الشيخ دو دير مختلطة ميكست on sait ce que ça veut dire mixte hein c'est les écoles où il y a les filles et les garçons dont la mixité est l'ihram. يقول هذا الذي تقرر عندنا وقام عليه الدليل وعليه المحققون من علمائنا وليس لأحد حجة. Il dit c'est ce qui est confirmé pour nous et c'est comme quoi la mixité est haram, c'est là où il y a la preuve va dans ce sens-là, et c'est la voie sur laquelle sont les authentificateurs parmi les hommes de science, et personne n'a une preuve contre ceci, contre l'interdiction de la mixité. يقول ثم هو ما مردوده على السلوك فتنة وفساد ولا ينجو منه إلا من نجاه الله وأدية فالمسلم مأمور بأن يغض من بصره والمسلمة وهذا لا يتحقق بالاختلاط أبدا. Il dit est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va décoller sur le comportement de la personne quand il est dans la mixité hein? Ça va être la fitna pour lui, il va être dans le mal, il ne peut pas être épargné. Celui qui va être épargné, c'est celui que Allah subhanahu wa ta'ala il épargne. Et il va en décoller un mal pour le musulman. Et le musulman, il lui est demandé d'être chaste au niveau de sa vie, de préserver sa vie, ainsi que la musulmane. Et ceci ne saurait s'accomplir, jamais il pourrait s'accomplir dans la mixité. يقول ولهذا فإن أصحاب التدين القوي الصلب ينفرون من هذه المدارس ويتركونها. Et il dit c'est pour ça que les gens qui ont une religion très forte se sauvent, ils s'éloignent de ces écoles et les délaissent. يقول والتدريس فيها ما دامت مختلطة وكذلك من الفتنة فإن كثيرا من النسوة ولعله في بعض البلدان جمهور من تخرج سافرة متبرجة لا تبالي بحجمة فيجب على الأهالي أن يفصلوا أبنائهم من هذه المدارس المختلطة. Il dit et le fait d'enseigner dans ces écoles dans laquelle il y a la mixité c'est une fitna car beaucoup de femmes dans certains pays sortent. Hein? Ils sont exhibés de chez elles. Ils ne font pas attention à la pudeur ni à quoi que ce soit. Et il est obligatoire des responsables de famille de retenir leurs enfants et de ne pas les envoyer à ces écoles mixtes. يقول السؤال السادس والعشرون جزاكم الله خيرا وحسن الله إليكم. يقول السائل يا شيخ يكثر عندنا في بلادنا أهل المعاصي الذين يجاهلون بالمعاصي كشرب الدخان وسماع الأغاني وغيرها من المعاصي فكيف نتعامل معهم حال كونهم لهم حقوق حال كونهم لهم حقوق المسلمين إذا لم يخرجوا من دائرة الإسلام. Et la 26e question, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Oh, Cheikh, chez nous, dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui sont dans la désobéissance et qui font la désobéissance en public, comme le fait de fumer des cigarettes, d'écouter la musique et autres parmi les péchés. Comment se comporter avec eux alors, tant qu'ils ont les droits de musulmans, tant qu'ils sont musulmans, tant qu'ils ne sont pas tombés dans la mécréance? Comment se comporter avec eux tant qu'ils ne sont pas tant qu'ils sont musulmans. يقول تأمل قول الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. Il dit médite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit les croyants et les croyantes, les uns sont les alliés des autres, ils ordonnent le bien, ils blâment le mal, ils accomplissent la prière, ils s'acquittent de la zakat, ils obéissent Allah et son messager, cela Allah subhanahu wa ta'ala va les couvrir de sa sainte miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala il est aziz, il est hakim. يقول وتأمل قوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Il dit immédite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit dans la traduction approximative nous dit et il faut qu'il existe parmi vous une communauté qui appelle vers le bien, qui ordonne le bien, qui appelle vers le bien, qui ordonne le bien, qui interdit le mal, et ceux-là, ce sont ceux qui réussissent. Ceux-là, ce sont ceux qui réussissent. Yaqul, تستظهر أن واجب هؤلاء علينا أن نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر. ثم أضيف إلى الآيات السابقة وما فيما معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. Il faut que tu aies à ton esprit qu'il est obligatoire pour nous certaines choses à faire vis-à-vis de ces gens-là. On doit leur donner le bien, leur interdire le mal, et tu rajoutes à ces versets dans lequel il y a le fait d'ordonner le bien et de blâmer le mal, tu le rajoutes hein, d'autres paroles du prophète qui vont dans leur sens, comme la parole du prophète qui dit: celui qui voit un blâmable, qu'il le change avec sa main, s'il ne peut pas, qu'il le change avec sa langue, s'il ne peut pas, qu'il le change avec son cœur, et c'est le plus faible degré de la foi. يقول تستظهر كذلك أن مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاث. Il faut que tu aies l'esprit aussi en face de toi que le degré du fait de blâmer, d'ordonner le bien et de blâmer le mal, il est de 3 degrés. الأولى إزالة المنكر باليد، وهذا في حق من قدر عليه ولم يترتب على ذلك مفسدة أكبر منه، وهذه ذكر أهل العلم أنها في حق الإمام ونوابه، وكذلك الرجل في أهل بيته ومن له عليهم ميانة. إذا استطاع تغيير المنكر باليد غير. Et il dit, la première, le premier degré, c'est d'enlever le mal avec la main. Et ça, c'est le devoir de celui qui peut le faire. Et que le fait de changer le mal avec ses mains n'en décompte pas un grand mal, un mal encore plus grand, hein, et qu'il peut le faire, donc celui-là, il doit le faire. Et là, cette situation, les hommes de science ont dit, ceci concerne le gouverneur et le représentant des gouverneurs. Et aussi, il concerne l'homme dans sa famille. Et sur ce, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné la tutelle, ses enfants, sa femme, et ainsi de suite. S'il peut changer avec la main, il doit changer avec la main. يقول الثانية التغيير باللسان. وهذه بيانها في قوله تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذه لأهل العلم الذين يحسنون البيان ويحسنون الأمر والنهي بما أتاهم الله من الحكمة والفقه في دينه، يبينون للناس الحق ويدعونهم إليه، وكذلك يبينون الباطل الذي يشيع في البلد والقطر، ويبينون أنه باطل بالدليل ويحذرون الناس منه. Et la deuxième, c'est le fait de changer avec sa langue. Et ça, t'as l'éclaircissement de ça dans le verset qui dit ceci, dont la traduction approximative nous dit ceci: appelle vers la voix de ton souverain avec sagesse, avec hikmah, avec bon exhort, et polémique avec eux de la meilleure des façons. Et celle-ci dit, Cheikh appartient aux hommes de science qui savent montrer les choses et éclairer les gens, et qui savent et qui font au mieux le fait d'ordonner le bien avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné comme sagesse, comme compréhension de la religion. Ils montrent aux gens, ils éclairent les gens sur la vérité, ils appellent les gens vers la vérité, et ils éclairent les gens sur le faux qui se propage dans le pays ou dans la région, et ils montrent aux gens avec les preuves le faux, ils avertissent les gens contre le faux. يقول والثالثة تغيير بالقلب وهي البعد عن المعاصي وأهلها. Il dit la troisième, c'est le fait de changer avec son cœur, le fait de s'éloigner de la désobéissance et des gens de la désobéissance. يقول هنا ننبه إلى أن بعض المتكلمين يفسدون من حيث يريدون الإصلاح ويسيئون من حيث يريدون الإحسان لجهلهم في نصوص الشرع وقلة فقههم بالمصالح والمفاسد. فالمعاصي ما خلا منها بلد، بل المعاصي وجدت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وجد شيء من المعاصي في عصر الصحابة، ولكن كيف كان علاجها؟ Il dit ici, j'attire l'attention que certains qui parlent, font du mal de là où ils croient qu'ils font le bien ou qu'ils veulent faire le bien. Ils font du mal de là où ils croient qu'ils vont faire le bien, parce qu'ils ignorent les textes de la législation, parce qu'ils ont peu de compréhension, ils ne comprennent pas, ils n'ont pas la compréhension du fait d'attirer le bien et de repousser le mal. Et qu'ils ne comprennent pas non plus que les désobéissances, aucun pays n'est perdu des péchés de désobéissance. Et les péchés existaient à l'époque du prophète alayhi salam, et à l'époque des compagnons il y avait des péchés. Mais comment remédier à ces péchés? Comment a été le remède à ses péchés à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque des nobles compagnons. يقول اولا عندنا وفي كثير من البلدان العالم العالم الذي يحسن البيان ويجلي ما هو حلال وما هو حرام مستندا في بيانه الى الكتاب والسنه لا يستنكر عليه احد ابدا ونحن جهدنا في النص في النصح لعباد الله. Il dit premièrement chez nous et dans beaucoup de pays hein, c'est l'homme de science qui sait éclairer les gens et qui montre et qui éclaire les gens sur ce qui est halal, sur ce qui est haram, en s'appuyant sur le livre d'Allah, sur la sunna, et personne ne peut se lever contre cette personne ni rejeter ce qu'il dit. Il dit nous notre effort il est dans le conseil, nous conseillons les serviteurs d'Allah. Il dit wa hadha an-nushh alladhi yutmir lahu suwar, et ça c'est le conseil qui ramène ses fruits et il a des aspects. يقول منها الخطب التي تقرر أصول الدين وقواعده الكلية وضمن ذلك التحذير من البدع والمعاصي وبيان خطورتها على الفرد والمجتمع. Il dit fait partie des aspects de ce conseil qui va donner son fruit, ce sont les khutab, les exhortes du vendredi, qui ancrent et qui enseignent et qui confirment les fondements de la religion et les grandes règles de cette religion. Et aussi dans ce khutab, il y a l'avertissement contre l'innovation, contre les péchés, contre le danger de l'innovation, contre le danger des péchés sur l'individu et sur les sociétés. يقول ومنها الدروس التي يقيمها الأئمة في مساجدهم لتبصير الناس بالفقه في دين الله من الكتاب والسنة وعلى وفق فهم السلف الصالح. Il dit fait partie de ça aussi les cours qu'accomplissent les imams dans leurs mosquées pour éclairer les gens sur la jurisprudence et pour faire comprendre aux gens la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en partant du livre d'Allah, de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam selon la compréhension du puissant d'Allah. Il dit ومنها الدعاة المصلحون الذين يزورون المساجد لإلقاء المواعظ والمحاضرات متضمنة حض الناس على كل ما هو طاعة واجبا كان أو مستحبا وأعظم ما يركز عليه هؤلاء وهؤلاء من الواجبات التوحيد كما أنهم كذلك يحذرون من جميع المعاصي وأعظم ما يحذرون منه الشرك بالله عز وجل. Il dit aussi fait partie des aspects du conseil qui vont amener son fruit c'est ces prêcheurs qui du bien qui visitent les mosquées pour donner des cours, des conférences, des exhortes. Ces cours, ces conférences contiennent, incitent les gens à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala, orientent les gens vers ce qui est obligatoire, vers ce qui est surrogatoire, et la plus importante chose sur, à laquelle ils donnent de l'importance parmi les obligations, c'est le monothéisme, le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme ils avertissent aussi contre les péchés, et ils avertissent contre l'associationnisme. يقول فإن العلم هو الذي يربي الناس قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. Il dit حفظه الله تعالى car c'est la science qui éduque les gens. Rasoul صلى الله عليه وسلم dit celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. ومعنى يفقهه في الدين يبصره فيه ويرزقه المعرفة فيعرف حق الله وحق نفسه وحق عباد الله. Il dit qu'est-ce que ça veut dire? Il lui donne la compréhension de la religion, dire il l'éclaire, il lui donne, Allah subhanahu wa ta'ala le comble avec la connaissance, et il connaît Allah, il connaît le droit d'Allah, le droit de soi-même, le droit de son ego et le droit des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la clairvoyance dans tout ça. يقول هذا الحديث دليل هذا الحديث دليل صريح على أن سبيل الخيرية سبيل واحد لا غير وهو الفقه في دين الله هذا منطوق الحديث. Il dit ce hadith est une preuve irréfutable, est une preuve claire que la voie du bien il est unique, il n'y a pas d'autre voie, c'est le fait de comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est ce que dit le hadith. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية أو غيره ومفهومه أن من لا يريد الله به خيرا لا يفقهه في الدين. Il dit que Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah ou quelqu'un d'autre a dit, et aussi il faut comprendre ce hadith, que celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas du bien, il ne lui donne pas la compréhension de la religion. يقول والله غالب على أمره سيحيي من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, il a la maîtrise de la situation. Il maîtrise toutes les situations. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala fera vivre celui qui vivra sur l'épreuve et dans une clarté. Il fera périr celui qui doit périr avec preuve. يقول فإذا قام الناصحون لعباد الله بما يجب عليهم من نصح العباد على الوجه الصحيح فقد برئت ذمتهم بأداء ما يقدرون عليه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها والله أعلم. Il dit, et quand les gens dignes du conseil, les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il les oriente vers ce qui est obligatoire pour eux, et il leur prodigue le conseil authentique, avec la voix authentique, et comme il se doit, ben ils ont rempli leurs responsabilités, et ils ont accompli ce qu'ils peuvent faire. Allah subhanahu wa ta'ala n'impose pas aux personnes ce qu'ils ne peuvent pas, et seul Allah subhanahu wa ta'ala sait. La dernière question, il est la 27e. وهذا السؤال الأخير والسؤال السابع والعشرون جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا كلاما من بعض المشايخ من أهل السنة يقول هذا الرجل من أهل البدع، هل نفهم أنه مبتدع أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. Et la 27e question dit que Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense, Cheikh. Hein? Il dit, nous avons entendu des paroles d'un certain homme de science parmi les gens de la Sunna dire, cet homme est un homme des gens de, hein? Il fait partie des gens de l'innovation. Est-ce qu'on comprend qu'il est innovateur ou pas? Que Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense. Yaqul, aqul hasab ilmi anna hadhihi al-jumla 'inda ahli as-sunnati la itlaqan. Et il dit, selon ma connaissance, cette phrase c'est les gens de la Sunna a deux significations. أحدهما وهو الغالب أنه مبتدع عرف الحق وعاند فأبى إلا الانحراف عرف السنة وأبى إلا البدعة ركب البدعة عن معرفة أنها بدعة. Il dit la première, et c'est ce qui est général, et c'est ce qui l'emporte, c'est qu'il est innovateur. Il a connu la vérité, il s'entête, il refuse la vérité, il ne veut que la déviance, il a connu la sunna, et il veut que l'innovation. Bah celui-là, alors en connaissant que ça c'est une innovation, bah celui-là il est mubtadi. Il dit wal-akhar itlaqul akhar annahum yutliquna al-zaj. Il dit, ils la disent aussi, la deuxième cas dans laquelle ils l'utilisent, qu'ils la disent pour réprimander quelqu'un, pour lui faire peur et le réprimander. يقول والمعنى أن هذا الإنسان صاحب بدعة يعني أنه يأتي ببدعة وإن لم يكن هو مبتدعا لأن مما عرفناه من منهج أهل السنة أنهم لا يبدعون أحدا بعينه حتى تقوم عليه الحجة الرسالية يقوم الدليل على أنه مبتدع والله أعلم. Et la signification, ça veut dire que cet homme duquel on dit صاحب بدعة, ça veut dire qu'il accomplit des بدعة, qu'il accomplit des innovations. Même si c'est, lui, il n'est pas innovateur. Il dit, ce que nous connaissons de la voix des gens de la sunna, c'est qu'ils ne rendent quelqu'un innovateur qu'après que la preuve a été accomplie. Qu'après que la preuve de la législation a été accomplie contre cet homme. Hein? Et que la preuve décrète qu'il est innovateur. Et il dit, sauf Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est ainsi, nous avons terminé ces questions-réponses sur le ménage du Cheikh Ubayd, hafidhahullah ta'ala, que Allah, subhanahu wa ta'ala, nous fasse profiter de ce que nous avons entendu, et que Allah, subhanahu wa ta'ala, allonge la vie de notre Cheikh dans son obéissance et dans la défense de la voix de nos plusieurs, d'Allah alayhim, wa subhanak Allahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa an, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa salli Allahumma wa sallim wa barak ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, barakallahu fikum, ahsallahu alaykum, jazakum Allahu khairan.